Yeah. J'arrive comme nurse dans le chat, comprends-tu que l'éveil se fait dans la peur, près du cœur, mais le sable. Pour parler de R, on est strab, alors qu'il s'agit de se creuser la tête, vous n'êtes guère que des scalps. Ma jeunesse dans le sac mortuaire, en attendant l'inhumation, fait l'inventaire de mes actes obscènes. Longtemps que le mal m'obsède, je ne côtoie que des putains vilifiés de l'ombre à Marc Dorcel. Pensez pour ces chiens pendant le take-off, je n'ai fait que partager le mépris d'Anton Tchekhov. Peine a toujours fait partie du décor, revêtit le masque et fait le malin comme McGregor. Serein quand je t'exécute, je suis Omar, t'as posé les yeux sur Belzébuth, c'est trop tard. Je me souviens qu'on m'a dit quand l'autre apparaît, mon reflet, mes frelons, je ne vois plus que des putes, des clochards. Bonhomme, serre les dents, mais sous le veston saigne, tu vas serrer si tu sais ce qu'on sait. Comment veux-tu que l'humain respecte son père, lui qui dit des choses et fait le contraire. Dans mon crâne, je suis dans le Tennessee, dans ma génétique, état de frénésie. J'aime bien trop les femmes, John F. Kennedy. La marque les sépare, mais des restes indélébiles. Ils ne font que parler dans le ZEF et personne ne me retient quand je me barre seul ailleurs. J'ai passé tant d'années dans le stress, si tu m'enlèves mon empathie, je suis Michael Myers. Connais que des rapis hors normes, navigue sous le commun Paris London. Yeah. Sais-tu comment ma vie Jordan, John Malémé devient Charlie Bronson. Charlie Bronson. Fuck un drop top, fiston je m'en bats les couilles. Je vis dans un thriller psychologique avec Edward Norton. Je vois tous ces humains, n'ont-ils donc aucune âme? Après tout s'ils périssent, y'a pas mort d'homme. Je suis à bout d'arrêt sous Gordon. Minuit moins deux sur chaque horloge. Vis les 120 journées de Sodome. Tu me diras ce que tu penses du monde. J'ai des démons qui me follow comme Gus. Tous ceux à qui tu t'accroches et deviennent accessoires. Je te connais toi qui tue mon orgueil. Capuché faux dans la main quand elle est passée me voir. D'être comme vous je me dispense. Comme l'Albanais ce que je dis je pense. Elle me dit qu'elle n'a pas eu de père. Je préfère garder mes distances. Combattant de renom peut appliquer le bushido. Mais n'oublie pas que la vraie guerre elle est mentale. Couteau dans la même plaie fait des entailles. Gava j'ai connu la même peine qu'Elephant Man. Tu n'as pas de libre arbitre. On a grandi dans la grotte. Ceux qui sont restés je méprise leurs âmes. Ils ont coupé Yggdrasil. Je m'entends tomber au combat quand ils s'éveilleront au Niflheim. Niflheim.